Bismillah ve salatu selam ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Inşallah Teala nous allons voir la suite du fiqh. Nous sommes arrivés à Bab al-Tayammum, c'est-à-dire la porte des ablutions sèches. Et Cheikh rahimahullah Teala, il commence, il dit wa huwa an-naw' al-thani min at-tahara, c'est-à-dire c'est le deuxième sorte de purificateur, avec la chose avec laquelle nous purifions. Donc nous avions parlé précédemment que la première chose avec laquelle nous purifions, c'est l'eau. Et que lorsqu'il n'y a pas d'eau, la deuxième chose avec laquelle nous purifions, eh bien c'est les ablutions sèches, qui est la terre, le sable, etc. Nous verrons, inshallah ta'ala. Donc, at-tayammum fi l-lughati huwa al-qasd. Al-tayammum dans la langue, c'est al-qasd, c'est-à-dire l'objectif, la chose que tu vas atteindre. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit fatayammamu sa'idan tayyiba, c'est-à-dire sedou, aller vers la terre ou ce qu'il y a sur le sol. Amma istilahan fa huwa mashu al-wajhi واليدين من الصعيد الطيب بقصد التعبد. C'est le fait d'essuyer le visage et les mains avec la terre ou ce qui prend la place de la terre, tout en ayant l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, il faut préciser que عند عدم وجود الماء, lorsque l'eau n'est pas, ou lorsque la possibilité d'utiliser l'eau n'est pas non plus. C'est-à-dire soit on n'a pas d'eau, soit on a de l'eau mais on ne peut pas l'utiliser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation, les ablutions sèches, c'est une khasisa, c'est une chose particulière à cette communauté. Les autres communautés, ils faisaient les ablutions avec l'eau, comme nous l'avons cité précédemment. Mais le fait de faire les ablutions sèches est particulier à notre communauté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté dans les deux recueils authentiques, le hadith, entre autres, il est dans le livre, il dit « U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli » On m'a donné cinq choses, on les a données à personne avant moi. Puis il a cité certaines choses et il a dit وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Donc il a dit on m'a donné la terre comme mosquée, c'est-à-dire comme lieu de prosternation, et tahuran comme chose de purification. Donc التيمم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. Il faut savoir que l'ablution sèche est citée dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le consensus de tous les musulmans. Donc Allah Azza wa Jal, il dit فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas d'eau, eh bien utilisez ce qu'il y a sur la terre. Ce qu'il y a sur la terre. Et il est rapporté aussi d'après Imran ibn Husayn, dans les deux recueils authentiques, où il a dit Kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, fa salla bin-nas fa idha huwa bi rajulin mu'tazil fa qala ma mana'aka an tusalli, qala asabatni janabah wa la ma, qala 'alayka bis-sa'id fa innahu yakfik. Donc, d'après Imran ibn Husayn, il dit, nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a prié, il a dirigé la prière, et il y avait un homme qui s'était écarté des prières. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prier? Il lui a dit, je suis en état d'impureté majeure, et il n'y a pas d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, عليك بالصعيد, prends ce qu'il y a sur la terre. فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ car ça te suffit. يعني les ablutions sèches, التيمم. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ التيمم. وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَابْنُ قُدَامَةَ. Donc, il y a le consensus des musulmans en général sur l'autorisation de cette pratique qui est les ablutions sèches, التيمم. Et le consensus a été rapporté entre autres par Nawawi ibn Qudama. Donc la question qu'on peut se poser avant de voir ce que dit Cheikh Abdurrahman, c'est quand a été prescrite cette pratique. Il faut savoir que cette pratique a été prescrite dans l'année 6 de l'Hégire, dans une bataille qui s'appelle Bani al-Mustalaq. Et ceci est rapporté dans les deux recueils authentiques. Lorsque Aïcha radiallahu ta'ala anha a perdu sa gourde d'eau, on va appeler ça une gourde. Alors Allah azzawajal a descendu les versets sur Tayammum. Allah azzawajal a descendu les versets sur Tayammum. Donc Tayammum, mes très chers frères, a été prescrit dans l'année 6. Comme cela a été rapporté, comme nous l'avons cité. Donc il dit, Cheikh rahimahullah, wa huwa an-naw'u ath-thani min at-tahara. C'est le deuxième genre de purificateur. C'est-à-dire, après les ablutions avec l'eau, il y a les ablutions avec la terre ou le sable ou ce qui prend la place de la terre. وهو بدل عن الماء وهو بدل عن الماء. Donc ceci est important. Il dit que c'est un remplaçant de l'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, ils ont une règle. Les savants, ils ont une règle où ils disent البدل له حكم المبدل. البدل له حكم المبدل. Donc, al-badal lahu hukmul mubdal. Donc, ceci est important car il y a une divergence entre les savants à propos du tayammum. Est-ce que at-tayammum yarfa' huwa rafi' ou huwa mubih? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tayammum, il est considéré comme l'eau? C'est-à-dire que lorsque la personne est impure, qui a le wasful qa'im, qui a le qualificatif qui est en lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas les ablutions, et qu'il fait le tayammum, est-ce que cela veut dire que al-wasf, rufi al-wasf, c'est-à-dire que le qualificatif n'est plus, ou est-ce que cela veut dire que al-tayammum a autorisé le fait de faire telle prière ou telle action? Donc, est-ce qu'il est rafi' ou mubih? Et ceci est une divergence entre les savants. Donc, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'il faut qu'on comprenne avant. La différence, c'est que, par exemple, si nous considérons que at-tayammum, il est rafi', cela veut dire que la personne, il va faire tayammum et il va faire les prières surérogatoires et les prières obligatoires. Mathalan, c'est un exemple. Et si nous considérons qu'il est moubih, eh bien il va seulement pouvoir faire ce qu'il a eu l'intention avec ce tayammum. Donc s'il a fait tayammum uniquement pour l'obligation, eh bien il ne pourra faire que la prière obligatoire. Si nous considérons qu'il est moubih, qu'il l'autorise. Vous comprenez? Donc il y a une divergence entre les savants, et le plus authentique, c'est de dire que il est rafi'. Il est rafi'. Et la divergence, donc ceux qui disent qu'il est rafi', c'est Abu Hanifa, et les autres imams, eh bien ils considèrent qu'il est mubih. Mais Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, il a considéré que le plus prépondérant était l'avis de Abu Hanifa et que il était rafi'. Et c'est l'avis du Cheikh rahimahullah, de Cheikh Saadi. Donc, quelles sont les preuves de cela? La première preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, où il dit fa in lam tajidu ma'a fatayammamu. Si vous ne trouvez pas d'eau, tayammamu. Donc, ja'alahu badalan. Il l'a mis comme remplaçant. Il y a aussi la preuve que nous avons citée dans le hadith, qui est rapporté dans les deux recueils, où il dit ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Donc,